Top Chrono, rugby à 15. Avec l'horloge aussi. Eh bien, c'est parfait. On est revenu ici en direct depuis la Baronnie où ce soir, on a la chance d'être déjà dans l'été avec cette Vieira Ferrata, l'une des plus grosses, la plus importante d'Europe. La plus belle d'Europe, oui. La plus belle d'Europe qui est tout éclairée par le soleil, je peux vous assurer. C'est le Saint-Julien. Le Saint-Julien. Puis si vous ne savez pas où aller, ben écoutez, dans la Drôme provençale, avec toutes ces couleurs de façades différentes, on est déjà transporté presque de l'autre côté des Alpes, ça veut dire en pleine Provence, parce qu'ici, on a toutes les couleurs, Jean-Pierre, et on se régale. On va, parce que vous savez que ce soir, on dégriffe, hein, c'est pour ça qu'on s'écarte un petit peu du sport, on va y revenir dans le rugby à 15. Jean-Pierre, Boudjela, le rugby à 15, il connaît. Eh bien écoute, je suis un supporter de Toulon, de Tata JV, puis la dernière fois j'ai eu le plaisir de rencontrer Boudjela, on a parlé quelques minutes, mais c'était contre Bayonne, ils les ont atomisés. Record de spectateurs, 16 049, tu vois, je m'en rappelle, et 82 à 12, quelque chose comme ça. On n'avait jamais vu ça. C'était exceptionnel. C'est normal, quand les gens se dépassent de ta personnalité, en plus depuis Billy Baroni. Ça devait qu'il y avait y avoir quand même que ce score, malheureusement, pour ces chers Bayonnais à Toulon. Voilà, on va continuer avec le rugby à 15, juste pour dire bonsoir à Joris Cazenave, qui était malheureusement, Joris devait venir intervenir au téléphone. J'espère que François, tu feras le nécessaire pour l'avertir. En tous les cas, il a fait un match superbe. C'était bien sûr la Pro D2. C'était Béziers qui recevait Colomiers. On connaît le résultat. 41, me semble, j'arrive. 37. 34, me semble-t-il, ou 37. Ouais, 34. Il me semble, et c'est moi aussi qui fait l'âne, parce que je pourrais regarder le score. 41 à 27, c'est bien ça. Et un essai de partout, puisqu'il y avait le petit Joris Cazenave qui était du côté de Colomiers. C'est un sorguet, un vauclusien, encore une fois. Et bien sûr, Luca Damignani, qui est bédaridé, et lui jouait à l'arrière du côté de Béziers. Il a marqué un essai. Enfin, on rencontre lui aussi un partout. C'était magnifique, c'était juste pour faire parler l'un des deux prétendants dans cette rencontre qui s'est mis en lumière. Malheureusement, on ne les aura pas, on va continuer avec eux du basketball. Basketball, on va revenir bien sûr sur cette nationale 1 avec le SAP d'Avignon qui trébuche à Sorgue dans la salle de la plaine sportive. Cette victoire était très importante puisqu'il recevait un adversaire, on va dire, direct pour la descente en nationale 2. Eh bien, pour le maintien, surtout, avant de parler de National 2, il fallait gagner cette victoire pour pouvoir se maintenir. Maintenant, les choses vont se compliquer un petit peu, Jean-Yves. Je crois que tu as subi une soirée qui n'était pas des plus mémorables, mais plutôt grotesque. Écoute, Fred, j'étais au match. J'étais au match parce qu'on savait que c'était un match important pour le SAP. Le SAP qui devait absolument se remporter le match contre Gries au Oberhofen. C'était un prétendant aussi pour éviter la descente. Et puis le SAP qui a fait un énorme début de match. Le SAP qui a rapidement mené avec à plus 10. Ils ont été à plus 10 plusieurs fois, trois fois me semble-t-il dans le match. Les Sorguets ont géré, ont même été plutôt pas mal. Et puis à chaque fois, ils ont relâché la pression. Ils ont laissé les Alsaciens revenir dans le match. Et puis ils se sont mis tout seuls en difficulté, se sont mis à douter, ils se sont mis un petit peu à paniquer. Et puis le quatrième quart-temps, ça a été un carnage, où on a vu des mecs qui ont pas assumé leurs responsabilités. On a vu des joueurs, même déjà, on avait un peu noté ça dans le troisième quart-temps, Fred, où on a vu des joueurs ne pas prendre des tirs, on a vu des joueurs ne pas faire les bonnes fautes en défense, on a vu... Voilà, on a vu presque des types résignés et ben, ça a déclenché la colère de beaucoup, ça a déclenché la colère des spectateurs, ça a déclenché la colère de l'entraîneur qu'on va peut-être pouvoir écouter et puis d'autres joueurs en aparté qui n'étaient pas très contents de ce qui s'était passé. Allez, on va revenir sur cette soirée qui restera loin d'être un match mémorable. Je vous propose d'écouter bien sûr François Sanz qui était, on va dire, plutôt remonté après cette nouvelle défaite, synonyme de... peut-être disparition de la nationale 1 pour Sorgue. Avec François Sanz, entraîneur du SAP, après cette défaite, François, comment tu peux expliquer cette défaite ce soir? Comment je peux l'expliquer? Je ne sais pas, en tout cas je suis dans une colère froide. Bon, il y a des attitudes qui ne m'ont pas plu, encore une fois, je ne suis pas là pour... Voilà, c'est par rapport au club, voilà. Le club, mais ce soir on met en péril un club. Il y a eu des choses qui ont resté dans le vestiaire, mais voilà, des attitudes qui m'ont pas plu. On est sur un match à la vie et à la mort et les intérêts collectifs doivent primer. Ce soir, ça n'a pas forcément été le cas. On a été, du coup, ça s'est retranscrit sur le terrain. Déficient, on n'a pas mis de pression sur les pick and roll, ce qui fait que le meneur de jeu s'est amusé avec nous. Il n'y avait pas cette solidarité pour venir faire le petit effort supplémentaire. On a été bouffé au rebond. Voilà, c'est vraiment frustrant parce que je pense qu'il y avait la place. On perd le match, je pense, sur les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, où eux mettent de l'intensité et on répond pas. Voilà, on se pose des mauvaises questions. Au lieu de répondre en équipe, on essaye de répondre à tour de rôle. Donc certainement que j'ai ma part de responsabilité là-dedans, puisque ça fait quand même deux matchs, Rennes et celui-là où les mecs n'arrivent pas à se transcender. Alors on arrive à le faire à l'extérieur, on arrive à le faire sur des grosses équipes, du haut de tableau, puis là on n'y arrive pas. Pourquoi ? Bon, on va essayer de travailler avec ça, avec Olivier, avec John, mais c'est très frustrant. Très très frustrant. On a vu, tu parles de certains joueurs qui ne prennent pas leurs responsabilités. On t'a vu engueuler un joueur, on a vu des joueurs qui nous dans les tribunes n'ont pas réagi comme on espérait qu'ils réagissent. Est-ce que c'est ce que tu pointes ce soir ? Oui, je pointe. À un moment donné, il faut aussi que certains se posent des bonnes questions. Il y a eu deux types de management. Globalement, ce que je vois, c'est que les résultats sont les mêmes. On a réussi à se sublimer, à se transcender, donc on est capable de le faire. Mais ce soir, non. Et moi, ça, ce qui me rend fou, c'est par rapport au club. Encore une fois, les dirigeants font tout pour nous mettre dans les meilleures situations possibles, les meilleures conditions possibles. On a cette capacité à... On nous croit morts et à chaque fois on se relève. Et quand à un moment donné on a une occasion pour vraiment sortir du trou, on a cette incapacité à le faire et on retombe dedans. Donc c'est vraiment frustrant par rapport à ça. Et effectivement, oui, ce soir, c'est pas, je vais pas pointer un joueur. C'est collectivement où on n'a pas réussi à se sublimer, à avoir cet enthousiasme, avoir cette volonté collective de faire quelque chose. Et c'est ça qui me rend, qui me frustre, parce que vraiment, on parle que de ça, on travaille que sur ça. Et ce soir, on a été déficient là-dessus. Et voilà, c'est une grosse. C'est beaucoup d'amertume pour moi ce soir par rapport à ça. Voilà, et je crois qu'on a écouté François Sanz. Tu peux revenir, Jean-Yves, sur ce qui s'est dit. C'est vrai que quelque part, ce club, malheureusement, pourrait faire beaucoup mieux. Les joueurs n'ont pas joué le jeu dans cette partie qui était quand même très, très importante. À l'image un peu de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, Fred, et de ce qu'on voit régulièrement, on voit des joueurs qui sont presque pas investis. On voit. Alors, quand il y a vraiment le feu à la maison et que les mecs sont obligés d'aller faire un gros résultat, qu'on les croit morts, eh bien, ils vont faire un coup à Orchi, par exemple. Mais quand c'est un match qui est à leur portée, comme là, Guyès Oberhofen, où ils avaient ce match-là presque dans les pattes, voilà, ils ont relâché la pression. François Sanz le dit, on a l'impression que les joueurs ont abandonné le club, qu'ils ont laissé tomber leurs équipiers, quelques joueurs en tout cas, pas tous. On a vu d'autres mecs, Antoine Lurel notamment, ou Jäger, qui ont fait le job, mais on a vu aussi des joueurs qui ont laissé tomber, qui ont baissé les bras, qui ont abandonné. François Sanz était dans une colère noire lorsque j'ai pu parler avec lui. Voilà, et bien écoute, c'est très bien, merci de ton analyse pour cette franchise. On peut peut-être rappeler les résultats de cette nationale 1 et on verra un petit peu ce qu'il en est aussi des filles pré-nationales féminines de la Barbière. Est-ce que tu as les résultats, Jean-Yves? Je les ai, ouais. Rennes-Lorient, Lorient s'impose à Rennes sur le score de 94 à 80. Tarbes-Lourdes, défaite de Tarbes dans sa salle face à Orchi sur le score de 70 à 77. Le Grand Avignon, on l'a dit, défait dans sa salle sur le score de 87 à 98. Andrézieux a battu Rueil sur le score de 72 à 71. Saint-Vallier a atomisé comme il se doit le Centre Fédéral 99 à 77. Chartres-Guedvoges, Chartres a battu les Vosgiens 89 à 77. Angers-Vitré, Angers s'impose face à Vitré sur le score de 90 à 69. Et Schuffel-Weiss a été défait dans sa salle face à Chalandre sur le score de 80 à 86, ce qui nous donne au classement Caen premier, Quimper second, Choufey-Louis troisième, Rueil 4, le Grand Avignon, et bien voilà, le Grand Avignon pointe ce soir à la 14e place dans le mauvais wagon avec 43 points. Il aurait fallu, s'ils avaient battu Ober Hoffen. Ils auraient passé devant et ils se seraient sortis de la zone dangereuse, en tout cas temporairement. Ce championnat va être tendu jusqu'à la dernière journée.